بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 112 en explication de Kitab al-Tawhid avec le sharh du Sheikh Abd al-Rahman ibn Hassan rahimahullah dans son sharh Qurrat Uyun al-Muwahidin avec les commentaires de Sheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. On est toujours dans le chapitre 12 Babun min ash-shirki an-nadhru li ghayri Allah, c'est-à-dire le fait de faire des vœux pieux pour autre que Allah et que ça fait partie du shirk. Et dans ce chapitre, on avait mentionné donc deux versets de Coran et le hadith de Aisha radiyallahu anha anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam a qal man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهِ فَلَا يَعْصِيَ. C'est-à-dire celui qui fait le vœu pieux d'obéir à Allah alors qu'il lui obéisse, et celui qui fait le vœu pieux de désobéir à Allah alors qu'il ne lui désobéisse pas. Et donc on va terminer l'explication de ce hadith-là et on est à la fin du chapitre, donc on va essayer de terminer le chapitre aujourd'hui, inshallah. Donc le Cheikh Abd al-Rahman ibn Hassan il dit وقوله عن عائشة وهي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق رضي الله عنه وأعلم النساء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت سبع ودخل بها وهي ابنة تسع وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة ففيها خلاف. Donc le cheikh explique que Aisha radiyallahu anha, c'est la mère des croyants, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la fille de As-Siddiq radiyallahu anhu. Et c'est la plus savante parmi les femmes au sujet des hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a épousée à l'âge de 7 ans et il a habité avec elle à partir de l'âge de 9 ans. Et donc c'est une des meilleures épouses parmi les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à part Khadija. Il y a donc une divergence au sujet de Khadija et Aisha, laquelle des deux est meilleure. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il commente ici à ce sujet et il dit Aisha رضي الله عنها لها خصائص من بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم منها أنه لم يتزوج بكرا غيرها ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها ويحب أباها زيادة محبة على غيرها ومنها أنها اختصت برواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من بين النساء وكان الصحابة يرجعون إليها في الأحاديث ومنها أنها كانت من جملة المفتين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض الموت استأذن نساءه أن يمرض في بيتها فأذن له فمرض في بيتها ومات عليه الصلاة والسلام في حجرتها ورأسه في حجرها رضي الله عنها ومنها أنه دفن في حجرتها ولها فضائل كثيرة رضي الله عنها لكن اختلف العلماء هل هي أفضل من خديجة أو أن خديجة أفضل منها والصواب أن لكل من خديجة وعائشة فضائل لا تشاركها فيها الأخرى لا شك أن خديجة لها فضائل وناصرت الرسول صلى الله عليه وسلم في أول البعثة ومواقفها مع الرسول صلى الله عليه وسلم مشهورة وأنها أم أولاده كلهم إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية وأما بقية أبنائه من ذكور وإناث كلهم من خديجة رضي الله عنها ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها حبا شديدا وكان بعد وفاتها يكرم صديقاتها وكان يذبح الذبيحة ويتصدق عنها من لحمها بعد وفاتها وفاء بحقها ومكانتها. والصحيح أنه لا تفاضل بين عائشة وخديجة، كل منهما لها فضائل لا تشاركها فيها الأخرى. Donc ici le Cheikh Al-Fawzan il explique que Aïcha radiallahu anha elle a des particularités parmi les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces particularités, c'est que c'est la seule épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était vierge. Les autres, c'était des veuves, des femmes divorcées ou des femmes veuves. Et Aïcha radiallahu anha, c'était la seule qui était vierge. Parmi les mérites de Aïcha radiallahu anha, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait beaucoup. Il aimait plus que yani les autres, ainsi que son père. Il aimait, son père, c'était yani la personne la plus proche parmi les sahaba. Et sa fille, la fille d'Abu Bakr radiallahu anha, c'était justement la femme qu'il aimait le plus parmi ses femmes. Également, parmi les particularités de Aïcha radiallahu anha, c'est qu'elle est la seule d'entre les femmes qui a rapporté le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les sahaba revenaient vers elle souvent pour la questionner au sujet des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ses mérites, il y a également qu'elle faisait partie des ulama qui donnaient des fatawas parmi les sahaba. Donc, elle était parmi les muftines, parmi les ulama qui donnent des fatwas. Et parmi les mérites également de Aïcha radiallahu anha, c'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été atteint de sa maladie de laquelle il est mort, il a demandé la permission à ses autres épouses de pouvoir demeurer dans la maison de Aïcha radiallahu anha pendant sa maladie. Et il est mort justement dans la maison de Aïcha radiallahu anha, c'est-à-dire dans son appartement. Et lorsqu'il est décédé, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien sa tête était sur les cuisses de Aïcha radiallahu anha. Parmi les mérites de Aïcha radiallahu anha, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été enterré dans sa maison, c'est-à-dire dans l'appartement de Aïcha radiallahu anha. Et elle a de nombreux mérites également, d'autres mérites encore qu'on n'a pas mentionnés. Et les ulama ont divergé en ce qui concerne Aïcha et Khadija, laquelle des deux était meilleure. Et est-ce que Khadija était meilleure que Aïcha ou Aïcha meilleure que Khadija? Et le Cheikh, il dit que la position correcte à ce sujet, c'est que chacune des deux, Khadija et Aïcha, radiallahu anhuma, les deux avaient des mérites qui leur étaient particuliers et que l'autre ne possédait pas. Donc il n'y a pas de doute que Khadija, radiallahu anha, elle a des mérites particuliers. Parmi ses mérites, c'est qu'elle a supporté le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et secouru le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au début de sa mission en tant que messager. Et elle a des positions avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui sont célèbres. Parmi ses mérites également, c'est qu'elle est la mère de ses enfants. C'est-à-dire que tous les enfants du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à part Ibrahim, qui est né de Maria al-Qibtiyya, tous les autres enfants que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a eu sont les enfants qu'il a eu avec Khadija, que ce soit des garçons ou des filles. Donc, ça c'est un de ses mérites aussi. Parmi les mérites de Khadija, il y a le fait également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait également très fort, d'un amour très fort. Et même après sa mort, il honorait ses amis, c'est-à-dire les amis de Khadija. Et quand il égorgeait, quand il faisait un sacrifice d'un animal, il donnait de la viande en sadaqa aux amis de sa femme, Khadija, pour les honorer et en même temps pour remplir montrer la fidélité envers les droits et le statut de Khadija, hein, par respect pour son droit et pour honorer son statut. Et le cheikh, il dit que donc la position correcte en ce qui concerne Khadija et Aïcha, radiallahu anhuma, c'est qu'on ne peut pas dire que l'une était meilleure que l'autre, puisque elles étaient toutes les deux yani avec des mérites particuliers que l'autre n'avait pas. Donc chacun avait ses mérites spécifiques. Ensuite, le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit « Bal, la yuqalu Khadija afdal, wa la Aisha afdal. » والتحقيق والتحقيق أن لخديجة من الفضائل في بدء الوحي ما ليس لعائشة من سبقها إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأييده في تلك الحال التي بدأ بالوحي يعني فيها كما في صحيح البخاري وغيره. donc شيخ الفوزان الكومنت ici dit وهذا هو الصحيح أنه لا يفضل بعضهما على بعض لأن لكل منهما فضائل خاصة بها. Donc Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il mentionne la même chose justement qu'est-ce que le Cheikh Al-Fawzan a mentionné, que on ne peut pas dire que Khadija était meilleure ou que Aisha était meilleure. Et en réalité, chacune d'elles avait ses mérites particuliers. Et Khadija, elle a eu des mérites en particulier qui sont reliés au fait qu'elle a supporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam au début de la révélation, au début de sa mission, et qu'elle a précédé yani les autres dans la foi en le prophète sallallahu alayhi wa sallam au début de la révélation, comme c'est mentionné dans Sahih al-Bukhari. Donc ça fait partie de ses mérites. Et il dit ensuite فما زالت كذلك حتى توفيت رضي الله عنها قبل الهجرة. Donc elle a continué avec à croire et à supporter le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à yani un peu avant la hijra. Il dit ولعائشة من العلم بالأحاديث والأحكام ما ليس لخديجة لعلمها بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن بالأحكام وبيان الحلال والحرام. وكان الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يرجعون إليها فيما أشكل عليهم من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه صلوات الله وسلامه عليه. ورضي عن أصحابه وأزواجه. توفيت سنة 57 رضي الله عنها. Donc ici, le cheikh explique ensuite que Aïcha radiallahu anha, elle avait de la connaissance des hadiths et des règles de la religion que Khadija ne possédait pas, ainsi que des différents états et des différentes situations du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la révélation des règles dans le Coran et de la clarification de qu'est-ce qui est halal et de qu'est-ce qui est haram. Donc elle connaissait de grandes choses à ce sujet-là. Même que les sahabes, radiallahu anhum, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils venaient voir Aïcha, radiallahu anha, pour lui demander des questions au sujet des choses qui étaient compliquées à comprendre pour eux, et des choses qui étaient reliées à la situation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils venaient demander à Aïcha, radiallahu anha. Et il la questionnait à propos des hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et que Allah soit satisfait des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que de ses épouses. Et Aïcha radiallahu anha, quand elle est décédée, elle avait 57 ans radiallahu anha. Ensuite, le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit wa qawluhu man nazara yuti' Allah falyuti'hu li'annahu nazarahu lillah لأنه نظره لله خالصا فوجب عليه الوفاء به فصار عبادة. وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة على من نذر طاعة لشرط يرجوه كأن شفى الله مريضه فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك. وجب عليه أن إن حصل له ما علق نذره على حصوله، إلا أن أبا حنيفة قال لا يلزمه الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم ونحوه، أما ما ليس كذلك فلا يوجب عليه الوفاء به. Donc ici le cheikh il explique que en ce qui concerne le hadith qu'elle a rapporté ici, celui qui a fait le vœu pieux qu'il allait obéir à Allah alors qu'il lui obéisse, et le cheikh explique que c'est parce que la personne elle fait un vœu pour Allah sincèrement et uniquement pour Allah, et à ce moment-là c'est obligatoire pour la personne qui a fait ce vœu-là de le respecter, de l'exaucer, c'est-à-dire pas de l'exaucer mais de l'exécuter ce vœu, et ça devient à ce moment-là une adoration s'il le fait. Et les ulama sont tous d'accord sur le fait que celui qui a fait le vœu d'accomplir une obéissance et qu'il a rattaché ce vœu-là à une condition de quelque chose qu'il espérait, comme par exemple si quelqu'un était malade dans sa famille et qu'il demande à Allah, il dit « Oh Allah, si tu guéris mon malade, eh bien, ou bien tu guéris mon enfant ou ma femme ou mon proche qui est mort, qui est malade, si tu le guéris, alors je m'engage à donner en sadaqa telle somme d'argent. » Alors à ce moment-là, si la chose qu'il a, la chose pour laquelle il a fait le vœu, et ça se réalise, eh bien, il doit à ce moment-là exécuter ou mettre en pratique la chose qu'il avait rattachée à ce vœu-là. D'accord? Ça devient donc une obligation pour lui. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet-là, il dit « Nadhru ta'a ala qismayn. Nadhru munjaz, ghair mu'allakun bi shakhs. كأن يقول لله علي أن أتصدق أو أصوم أو أن أصلي، فهذا يجب عليه المبادرة بالوفاء به. والنوع الثاني نذر معلق على شرط، نذر معلق على شرط، فهذا لا يلزم الوفاء به إلا إذا حصل الشرط، كأن يقول إن شفى الله مريضي لأتصدقن ذي كذا وكذا، أو إن نجحت في الامتحان لأصومن 10 أيام أو ما أشبه ذلك. فهذا إن حصل الشرط الذي علق عليه النذر فإنه يجب عليه الوفاء به، لأنه نذر طاعة وقد حصل الشرط الذي علقه عليه. وقد ذم الله المنافقين لأنهم لا يوفون بالعهد الذي يتعهدونه لله سبحانه وتعالى، ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. أما إذا لم يحصل الشرط فإن النظر لا يجب. Donc Cheikh Al-Fawzan il résume le sujet de du nadr. Il dit que le nadr d'obéissance il est divisé en deux catégories. Celui qui est rattaché à une condition et celui qui n'est pas rattaché à une condition. Donc celui qui n'est pas rattaché à une condition, c'est lorsque la personne, elle fait un vœu en s'imposant à elle-même de faire quelque chose pour Allah. Comme par exemple de dire, je m'impose à moi-même, ou je m'oblige à moi-même le fait de faire une sadaqa pour Allah, ou de faire un jeûne pour Allah, ou de faire des salawat pour Allah. Et donc, à ce moment-là, c'est obligatoire pour lui d'exécuter ce vœu-là. Le plus vite possible. Il dit, tandis que la deuxième catégorie de vœux, d'un vœu pieux, c'est lorsque c'est rattaché à une condition. Et lorsque c'est rattaché à une condition, eh bien, c'est uniquement obligatoire pour la personne d'exécuter ce vœu lorsque la condition qui est rattachée au vœu a été exaucée. Donc, lorsque la personne a été exaucée dans son vœu, à ce moment-là, ça devient obligatoire pour elle de respecter sa condition. Comme par exemple, si quelqu'un dit, si Yanni, tu guéris mon enfant qui est malade, eh bien, je m'engage à donner en sadaqa telle somme d'argent pour Allah. Ou si je réussis dans mon examen, je m'engage à jeûner 10 jours pour Allah. Ou des choses semblables. Donc, lorsque la chose que la personne a demandé dans le vœu qu'elle a fait est exaucée, wa alaykoum salam wa rahmatullah, alors à ce moment-là, ça devient obligatoire pour la personne d'exécuter la condition qu'elle a rattachée à son vœu. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et si elle ne le fait pas, eh bien, à ce moment-là, elle est dans le blâme parce que Allah Azza wa Jalla a blâmé les hypocrites à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'étaient engagés à quelque chose avec Allah Azza wa Jalla et qui n'ont pas respecté l'engagement qu'ils avaient pris avec Allah Azza wa Jalla. Donc Allah les a blâmés dans le verset 75 et à 77 dans sourate At-Tawbah. Et l'exemple qui est mentionné dans ces versets-là, c'est l'exemple suivant où Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie « Et parmi eux, c'est-à-dire parmi les hypocrites, il en est qui avait pris l'engagement envers Allah, s'il nous donne de sa grâce, nous paierons certes la zakat et serons du nombre des gens de bien. Mais lorsque Allah leur donna de sa grâce, ils s'en montrèrent avares. Et ils tournèrent le dos en faisant volte-face. Il a donc suscité l'hypocrisie dans leur cœur. Donc Allah Azza wa Jal a suscité l'hypocrisie dans leur cœur comme punition pour avoir manqué à leur engagement. Et cela jusqu'au jour où ils le rencontreront pour avoir violé ce qu'ils avaient promis à Allah et pour avoir menti. Donc ça, c'est le danger de ne pas respecter le vœu pieux qu'on a pris avec Allah ou l'engagement qu'on prend avec Allah Azza wa Jal. Sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le cheikh explique que si la condition n'a pas été exaucée ou elle ne s'est pas produite, alors à ce moment-là, c'est pas obligatoire pour la personne de l'exaucer. Ensuite, Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, oui. Si on a fait un vœu sans condition, et qu'on n'a pas pu respecter, Si on a fait un vœu, puis qu'on n'a pas pu le respecter, à ce moment-là, les ulama ont mentionné que la personne, elle doit, yani, si je ne me trompe pas, elle doit faire un jeûne pendant 3 jours. Elle doit jeûner pendant 3 jours. Naam. Et le verset, c'est le verset à ce sujet-là, c'est le verset à propos de celui qui a donné une promesse puis qui l'a brisée, ou qui a fait un serment puis qui l'a brisée. Et c'est le verset dans lequel Allah Azza wa Jal, il dit فَكَفَّارَتُهُ فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. Donc, Ça, c'est le verset à ce sujet, dans le sens que la personne qui a fait un serment et qui n'a pas respecté son serment, il doit nourrir 10 pauvres. S'il ne peut pas, il peut les vêtir ou bien libérer un esclave. Et s'il ne trouve pas, alors il peut jeûner 3 jours. Et ça, c'est l'expiation pour celui qui n'a pas respecté son serment. Non. Non, c'est ça. Donc, il y a des ulama qui ont dit ça, effectivement, que si la personne, elle a l'option de faire de choisir celle qui lui convient parmi les choix qui sont proposés. D'accord? Et il y a des discussions des ulama à ce sujet-là, par rapport à cette question, dans le livre de Fiqh, le chapitre sur An-Nadhr. Naam. Donc il y a un chapitre dans le livre de Fiqh, An-Nuzur, ça s'appelle Bab An-Nuzur. Et il y a le détail des explications à ce sujet-là. Naam. Donc, toute façon, ici, le cheikh, il va mentionner un petit détail sur ce sujet-là. Donc, il faut juste clarifier le point que le cheikh il a expliqué ici. Il mentionne une position de l'imam Abu Hanifa. Et lui, Abu Hanifa, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est pas obligatoire pour la personne. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. C'est pas nécessairement obligatoire pour la personne de faire le vœu, d'exécuter le vœu qu'elle a pris, si elle a pris un engagement, excepté si la catégorie d'adoration qu'elle a rattachée comme condition fait partie de quelque chose qui était à la base dans les choses qui sont obligatoires dans la base de la charia. Il donne comme exemple le jeûne. Hein, ou d'autres adorations semblables. Mais si ça ne fait pas partie des adorations qui sont à la base ordonnées par la charia, alors à ce moment-là, ce n'est pas nécessaire ou obligatoire pour elle de le mettre en pratique. Et le cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire là-dessus. Il dit, « Abu Hanifa yubarriru bi anna al-nazra alladhi jinsuhu wajibun min asli al-shar'i kas-siyam wal-hajj wal-umra » فيقول هذا يجب الوفاء به أما ما كان جنسه مستحبا فإنه لا يلزم الوفاء به وإنما يبقى مستحبا ولكن الجمهور على خلاف هذا ولقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه وهذا شامل لما كان واجبا بأصل الشرع ولما كان مستحبا بأصل الشرع. Donc le cheikh Al-Fawzan explique que Abu Hanifa, lui, il explique que c'est seulement si l'adoration qui était rattachée au vœu de la personne était une obligation à la base dans la charia, comme le jeûne ou le hajj ou la umrah, à ce moment-là, il dit que c'est obligatoire de l'exécuter. Mais si c'était quelque chose qui était recommandé, alors ce n'est pas obligatoire de l'exécuter. Ça reste recommandé. Sauf que la majorité des ulama sont en contradiction avec la position de l'imam Abu Hanifa sur ce sujet-là. Et la preuve du Jumhur, la preuve de la majorité des ulama, pour dire que toute adoration qui est mise en condition comme condition dans un vœu pieux, qu'il est obligatoire de le faire, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Quiconque a fait le vœu d'obéir à Allah, alors qu'il lui obéisse. » Donc ça veut dire que c'est obligatoire. Une fois qu'il a fait son vœu, et qu'il l'a rattaché à une condition, et qu'il a dit « Je vais faire telle adoration si tu me donnes ça », et que Allah lui a donné, alors il doit maintenant, obligatoirement, faire cette adoration-là. Peu importe que cette chose à la base soit une obligation dans la charia ou quelque chose de recommandé, c'est la même chose. Donc si par exemple elle dit « Oh Allah, si tu guéris mon fils qui est malade, je vais jeûner pendant 10 jours » et que Allah a guéri son enfant, alors à ce moment-là, il doit jeûner 10 jours, même si à la base de la charia, ce n'est pas obligatoire de jeûner ces 10 jours-là. C'est ce qu'on appelle « nadr »,« an-nadru ». Et le dernier point que le cheikh il explique maintenant par rapport à ça, il dit قوله ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصيه زاد الطحاوي وليكفر عن يمينه وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين على قولين وهما روايتان عن أحمد إحداهما تجب وهو المذهب وروي عن ابن مسعود وابن عباس وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. Donc ici le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan il explique la deuxième partie du hadith et quiconque a fait le vœu de désobéir à Allah alors qu'il ne lui désobéisse pas. Et At-Tahawi il a rajouté et qu'il expie son serment, qu'il fasse une expiation pour son serment. Et le Cheikh explique que les ulama sont d'accord que si une personne a fait un vœu de faire une chose qui est un péché, il n'a pas le droit dans l'islam d'exécuter ce vœu-là. Parce que c'est à la base un péché. Donc, la question par contre, sur laquelle les ulama ont divergé, c'est si la personne a fait le vœu de faire un péché, elle n'a pas le droit de le faire, elle n'a pas le droit de l'exécuter. Mais est-ce qu'elle doit, par la suite, obligatoirement faire payer une expiation ou faire une expiation pour avoir fait ce vœu-là? Et il y a deux positions à ce sujet-là parmi les ulama. L'une d'entre elles, c'est la position de l'imam Ahmad, qui dit que oui, c'est une obligation pour lui de faire l'expiation pour ce vœu-là. Et c'est donc ça, c'est le madhhab de l'imam Ahmad. Et la position de l'imam Abu Hanifa et de ses compagnons, qui est rapportée par Ibn Mas'ud et Ibn Abbas, qui mentionne que ce n'est pas obligatoire. Maintenant, Cheikh Al-Fawzan, il va commenter là-dessus. Puis nous, on va conclure avec ça aujourd'hui. Il dit « وَهَذَا بِالْإِجْمَعَ مَنْ نَذْرَ مَعْصِيَةٍ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْوَفَاءَ بِهِ ولكن هل يكون عليه كفارة يمين على قولين منهم من يرى أن عليه كفارة يمين لأنه جاء في بعض الروايات وكفارته كفارة يمين أخرجه أبو داود في سننه والترمذي في سننه وصححه الألباني أو وليكفر كفارة يمين كما في رواية الإمام الطحاوي ومن العلماء من يرى أنه ليس عليه كفارة لأنه في هذا الحديث الصحيح قال من نظر أن يعصي الله فلا يعصيه ولم يذكر الكفارة. Donc ici le cheikh il dit que selon le consensus des savants, si quelqu'un a fait le vœu qu'il allait désobéir à Allah, alors il est interdit pour lui de respecter ce vœu-là qu'il a fait. Mais la question est, à ce sujet, c'est est-ce que après avoir fait ce vœu de faire le péché, est-ce qu'il doit faire une expiation ou payer une expiation ou non? Et là, le cheikh dit à deux positions à ce sujet-là, comme on l'a dit tout à l'heure. Certains considèrent que oui, il doit faire l'expiation. Al-kaffaratul yamin, on l'a dit tout à l'heure, le verset fa kaffaratuhu it'amu 'ashrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fa siyamu 3 ayamin fa siyamu 3 ayam dhalika kaffaratu aymanikum idha halaftum. Mais c'est ça, c'est comme ceux qui disent qu'il y a une kafara, ils se basent sur une narration d'un hadith qui est rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi, authentifié par Cheikh Al-Albani, qui dit kafaratuhu kafaratu yamin. C'est-à-dire s'il y a une expiation, il doit faire l'expiation pour le serment qui n'a pas été exaucé. Et il y a divergence. Certains ulama qui ont dit non, parce que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Woman nazara an ya'si Allah, fala ya'si ». C'est-à-dire, s'il a fait le... Donc déjà, si, il a dit... Le principe, il est là. Donc, ouais. Alors qu'il ne lui désobéit pas. C'est ça. Mais certains ulama, ils disent il doit faire l'expiation. Pourquoi? Parce qu'il a fait le vœu. Quand même, puis... فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. Donc c'est ça. Il y a des ulama qui considèrent que le nazar, lorsqu'il est fait avec un shart, que ça rentre dans al-yamin, que c'est une sorte de yamin. C'est comme si c'était ça rentrait dans un engagement ou un serment, un ahd. C'est comme une forme de ahd. Donc c'est pour ça qu'on considère ça. Mais yani, à la kulli hal, en tout cas, les fuqaha, quand ils discutent entre eux, donc on a terminé, on a conclu le cours d'aujourd'hui. Subhanakallah wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.